Cours numéro 19. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Man yaqra al-bab alladhi taqaddam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala shaykhul Islam ash-Shaykh Muhammad ibn Abdul Rahman bin Sulayman at-Tamimi rahimahullah ta'ala. Bab. وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار خلق عند الله فهول جمع بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماشر ولهما عنها قالت لما بزام رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرعه خمسة له على وجهه بيد يعظم بها كشبهها فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا أخرجه المسلم عن جد بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسين ويقول إني أبغى إلى الله أن يكون لي منك خليل كما اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فإني وإن كنت إحدى من أمة خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائه مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد دهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعانا وفي سياك من فعل والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قوله خشى أن يتخذ مسجدا فإن صحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا فإن وكل موضع قصدت صلاة فيه قصدت وكل موضع قصدت الصلاة فيه فكل موضع قصدت فيه صلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا والطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياه والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا رواه أبو حاتم في صحيحه أحسنت. فالبناء على القبور construire sur les tombes ça ouvre une porte d'exagération بل c'est de l'exagération et ça ouvre une porte que cette tombe elle soit adorée min dunillah azza wa jalla. فلهذا المؤلف رحمه الله il a cité des abwab fi al-ghulu l'exagération ثم il a cité هذا الباب pour démontrer أن la construction sur la tombe c'est haram. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فكيف إذا عبد هذا القبر. فكي dire si la tombe elle est adorée من دون الله عز وجل ومع الله سبحانه وتعالى. وهذا كما تعلمون c'est répandu à nos jours dans certains bilad للأسف. فمتخزي هذا الباب c'est مهم. وكذلك الذي بعده فنقراه لأن سيليه. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فالغلو في قبور الصالحين exagéré en construisant dessus en inscrivant des choses dessus كذلك en les décorant من باب أولى أو avec des lumières les illuminer avec des lumières أو العكوف عندها et أخطر من ذلك demander à ce mort faire tawaf autour de sa tombe. Alors chacun a هذا القبر ça devient un وثن من الأوثان. وتقدم معنا أن الوثن سما يعبد من دون الله. Que ce soit une statue ou autre. Alors, بعض الناس ils ont une image أن الأوثان, tu peux traduire par les idoles. C'est khas pour les statues. Allez, là, pour eux, ce que Wardanas font dans certains mausolées, dans certaines tombes, minat tawaf, wa du'a, wa l'istiratha, wa l'isti'ana, bi ghayri Allahi azza wa jal, pour eux, hada, c'est pas minat shirk. Limada, liana indahum, c'est pas minat l'wathaniya. L'idolâtrie pour eux, الشرك بالله عز وجل c'est adorer les statues ou se prosterner pour une statue. أما الولي الشيطان il leur a fait croire une chouba khatira أن الولي c'est la demande de الشفاعه comme تقدم l'intercession الوسيلة c'est un intermédiaire c'est pas من الشرك. شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب il a cité هذه الترجمة المهمة أن il n'y a aucune différence entre adorer une statue et adorer une tombe. Même si c'est la tombe d'un Nabi. Le Nabi lui-même, il nous a mis en garde contre le shirk. Fait qu'il va l'adorer min dounillah. La farq bayna ibadati al-asnam ou al-ahjar ou al-ajjar ou al-wali ou al-nabi ou al-malak. Il n'y a aucune différence. عند الله عز وجل. لماذا لأن الشرك c'est adorer autre qu'Allah. Mettre un égal à Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadah. Qala azza wa jal wa abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a. On a déjà expliqué que le shay'an c'est min alfadhi al-umum. Ça englobe jami' al-makhlouqat. Fal ibadah c'est un haqqun lil khaliq wahda. Amma al-makhlouq. Même si l'un manzil azim عند Allah. C'est un nabi ou c'est un rasoul ou c'est un alim min al-ulama ou c'est un salih min al-salihin. On n'a pas le droit de l'adorer. Abadan, on n'a pas le droit d'exagérer sur sa tombe. فلهذا dans notre din l'islam al-azim il n'y a aucune différence entre la tombe d'un savant et la tombe d'un ignorant en apparence, il n'y a aucune différence. La différence c'est a'mal al-mayyit. كذلك il n'y a aucune différence entre la tombe d'un roi et la tombe d'un simple musulman. كذلك il n'y a aucune différence entre la tombe d'un salih et d'un fasiq. Tant que c'est ce fasiq il n'est pas sorti d'islam, c'est un musulman, il n'y a aucune différence. Et les deux ils sont enterrés et les deux on n'a pas le droit d'exagérer dans leur tombe. Belle, l'exagération vit qabr as-salih le darar il est ma'rouf wa taqaddam anna ça pousse à l'exagération iyadam billah. Hada al-bab il est muhim. Wa al-munasaba al-zahira taqaddamat lakin naqra kalam al-imam al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala fi al-qawl al-mufid qala hada al-bab له صلة بما قبله وهو أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله أي يؤول الأمر بالغالين الغالين c'est ceux qui font du غلو أي qui exagèrent إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها أو أصحابها نعم أي l'exagération ça ouvre cette porte خطيرة أي que cette tombe ça devient une chose que Wardanas ils adorent. Limada, il y en a sept tombes, Wardanas ils ont exagéré. Avec des ziyarat, avec l'ukouf indaha, avec des ibadat à côté, il a akhri, hatta tu'bad min dounillah. Wa dhakara, Sheikh al-Islam, un hadith, qala rawa malikun fil muwatta, rahimahullah, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث إلى صحيح رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا وكذلك رواه الإمام أحمد مسندا أي sans interruption. أما la chaîne de transmission fil muwatta, il y a une interruption, une coupure dans l'isnad. Lakin, la riwaya de l'imam Ahmed fil musnad, walillahi alhamd, elle est sahiha. Wa hiya bil lafd, Allahumma la taj'al qabri wathanan. لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بهذا اللفظ عند الإمام أحمد إلى الصحيح صححه الإمام مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: فهذا الحديث صريح في أن القبر يمكن أن يكون وثنا. إذا سأرد على الذين يظنون أو يعتقدون أو يقولون أن الشرك سيلادوغاسون دي ستاتيو فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دون سيت رواية فصالو مونتخ أن بعض القبور سابو دوفينيغ دي أوثان. أوثان سي لو جمع لو بلوغيل دو وثن. Et le wathan, on répète, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïe les idoles. Un qabr, ça peut devenir, ayyadun billah, une idole. Aïe que ba'd al-nas, ils adorent. Fali hadha nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce dua. Allahumma la taj'al qabri wathanan. Donc ça nous montre qu'un ba'd al-qubur, ça peut être des awsan. Qala wal khurafiyoun yaqouloun anna al-qubur la yumkin an تكون أوثانا. هذا قول الخرافيين المشركين أن عندهم تسكس باس autour des temples الآن أو dans certains mausolées من طواف ودعاء واستغاثة إلى آخره. Tout ça pour eux c'est pas من الشرك. Et tous ces أعمال c'est pas من الوثنية الشركية عندهم. بل عند البعض من التوحيد من العمل الصالح. ولا عبرة بقول هؤلاء. قال: والأوثان هي أوثان الجاهلية وأصنام الجاهلية فقط. هذا قول المشركين الخرافيين أن عندهم الأوثان لزيدون سري ستاتوي كابا لبك أو أفون الإسلام عند الجاهلية أو في الجاهلية. دخلت عليهم هذه الشبهة إيزون با فيرمي لبك au shirk sous toutes ses formes, que ce soit l'oration d'une statue ou d'un animal ou d'un arbre ou d'une pierre ou d'un nabi ou d'un salih, ils ont laissé la porte ouverte. Ils ont exagéré fi wa'd al-awliya wa fi wa'd al-anbiya wa inharafu 'iyadan billah. فنقول في الرد عليهم أن الجاهليين إذا كانوا قد تعلقوا بأصنام وبأحجار وأشجار وبغير ذلك من الأشياء واعتقدوا فيها ووصل بهم ذلك الاعتقاد إلى حد الشرك الأكبر، مع أن المسوغ العقل والنفس لعبادتها غير قوي ولا ظاهر فيها. هذا كلام متين وجميل. أن الجاهليين ils ont adoré des pierres, des arbres, des statues إلى آخره، مع أن la tentation d'adorer ces choses et l'exagération envers ces choses, elle est beaucoup moins forte que l'exagération envers l'anbiya ou salihin. En d'autres mots, celui qui exagère envers la tombe d'un pieu ou la tombe de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la shak anna, il pourra dépasser les limites akthar que celui qui adore une pierre. Lianna la pierre fil haqiqa, hatta l'aqil, il ne peut pas exagérer sur une pierre. C'est une pierre ou un arbre. أما الأنبياء والصالحون فإذن فضل عظيم عند الله. ربما تدخل واحد كي يكوني بالتوحيد son نفس البنش إلى هذا الغلو. فكمان ne pas fermer la porte à l'exagération envers les tombes et les prophètes et penser que c'est que pour les arbres, les cailloux, les statues. هذا الكلام إلى مفيد. قال: فإن اتخاذ قبور الصالحين والأنبياء والمرسلين أوثانا أو أن يتوجه إلى أصحابها بالعبادة وارد من باب أولى. Si بعض الناس ils ont exagéré sur des pierres, des arbres, il a akhri, ma balouk, si on ferme pas les portes à ahlul ilm, ou on ferme pas les portes à ceux qui exagèrent envers ahlul ilm, ou l'anbiya, ou l'malaïka, على شك أن c'est plus grave. قال: لأن تعلق القلوب بالصالحين أولى من تعلقها بالأحجار. Et les cœurs, ils ont plus tendance à exagérer envers un prophète, envers un homme pieux, envers un savant, qu'envers une pierre. Ah non, on est tous d'accord. Il la mu'anid. Falimada, on mettrait en garde contre l'exagération envers les statues et les pierres et la akhiri, comme il faisait le jahiliya, et ha'oula al-khurafiyin, ils sont d'accord avec nous. Et pourquoi on mettrait pas en d'accord contre l'exagération envers les pieux, envers les prophètes? Pourquoi? Il la hawa. Amma al-aqil. Celui qui est juste, al-munsif, Al-Mukhlis qui veut le haq, il sait qu'il n'y a aucune différence. Mais anna, les créatures, elles ne sont pas au même niveau. Les Al-Khurafiyoun, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ils ont mis les prophètes et les hommes pieux et les savants au même niveau que les idoles de Quraysh. Na'oudou billah. Ah, c'est un kalam batil là. Quand les ulama ils disent que c'est la même chose, les cailloux, les arbres, les prophètes, les hommes, c'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de les adorer, les annahum c'est des créatures, pas parce qu'ils sont au même niveau. Fata'ammal hada. Amma al-khurawiyoun, ils cherchent ce genre d'excuses, et hada c'est batil. قال فوسائل الشرك بالقبور أظهر منها في الأصنام ونحوها وأوضح أي la gravité d'exagérer envers une tombe ce qui va pousser à l'adorer c'est beaucoup plus dangereux et ça attire beaucoup plus de monde que l'exagération envers les pierres فلهذا à notre époque كثير من الناس ils adorent plus des statues وبعضهم ils adorent des statues مثلا في الهند إلى آخره dans certains bilans إلى يومنا ils adorent des statues dans certains pays d'Asie dans certains pays d'Afrique. لكن المصيبة التي أصابت هذه الأمة c'est de ne pas avoir fermé la porte de l'exagération envers les tombes. فلهذا tu trouves في بعض بلدان المسلمين أما l'exemple qu'on a cité des statues qui sont adorées en Inde ou en Chine ou certains pays d'Afrique هؤلاء c'est pas des musulmans أصلا. أما المصيبة أن قوما ils font الصلاة ils font الحج ils sortent الزكاة ils font الصيام. Ils aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lisent le Coran. Et ils font du shirk comme Al-Kafara qui adore des vaches ou des statues. Il a akhir. Et l'imahadha li anna ce bab il n'a pas été fermé. Et ils ont pensé qu'il y avait une différence. Wallahu al-musta'an. Hadha al-bab il est mufid jiddan. ثم قال رحمه الله ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أرأيتم اللات والعزى الآية قال كان يلت لهم السويق السويق c'est un plat, une catégorie de nourriture فمات فعكفوا على قبره واللات والعزة أما هنا نعم اللات كان يلت لهم السويق أي c'est un homme pieux que quand Al-Hujjaj venait faire le Hajj, ta'lamoun anna hatta fil jahiliya il faisait le Hajj ila baytillah al-haram. Fallat il prenait soin d'eux et il préparait à manger wa yukrimuhum. Falamma mat quand il est mort, akafu ala qabri. Ils ont exagéré sur sa tombe. Liwala li annahu c'était un homme pieux. Hakadha notre époque. Ba'dhum tu leur dis anna taqullah, ils te disent lakin c'était un salih. On remet pas en cause est-ce que c'était un salih ou pas. مع أن في كثير من الأحيان يفوت vérifier est-ce que vraiment c'est un صالح. لكن si on dit que c'est un صالح بل on dit que c'est un نبي من الأنبياء notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر فلا يجوز d'exagérer et de lui demander من باب الشفاعة tout ça لا يجوز. الأثر il est صحيح مذكور كما قال في العاشية في تفسير ابن جرير الطبري رحمة الله عليه إلى صحيح قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج سلام من معناك تقدم ابن عباس قال الثالث أخرجه البخاري نعم هذا إلى صحيح لا شك فيه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وهذا فيه ضعف لكن يغني عنه ما تقدم أي في النهي عن البناء للقبور واتخاذ القبور مساجد توسع وندي أحاديث في هذا تقدمت معنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مناسبة الحديث الباب قال أن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها أي شيخ الإسلام il a cité ce hadith pour montrer un genre نعم une catégorie ou une façon d'exagérer construire sur les tombes تقدم معنا c'est min tariq al-yahoud wal-nasara لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنوا الله les a maudits لماذا لأنهم construisaient sur les tombes de leurs prophètes هذا تقدم et c'est de l'exagération qui pousse à adorer la tombe et كذلك le fait de mettre ou d'illuminer cette tombe avec des bougies ou autres ou avec des décorations al-suruj ça vient de al-siraj et la lumière al-muhim ça englobe tout ce qui embellit cette tombe-là, que ce soit la construire, que ce soit mettre des fleurs dessus, que ce soit l'embellir avec de la faïence ou du marbre, que ce soit écrire le nom du meyyit, tout ça, ça ouvre les portes à exagérer. Falihada al-mashru', c'est de construire la tombe, ou plutôt d'enterrer le mort et de ne pas construire sur la tombe. Et l'élever à peine pour savoir que c'est une qabr. Et là, bah, c'est de mettre un caillou pour savoir que c'est une tombe. Amma ghayra dhalik, voilà. Falihada, les ulama, ils interdisent hada en se basant sur ce genre de hadith. Quand il dit le hadith, il est da'if. Taqaddam ma'ana anna lahu des hadith qui sont sahih, qui montrent, qui prouvent cette ma'ana. Wa huna une fa'ida, qala al-imam al-albani rahimahullah, après avoir montré da'if. هذه اللفظة هذا الحديث ما يتعلق بزيارة القبور أي للنساء لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور هذه المسألة كنت تتعرف اليوم وكذلك المتخذين عليها مساجد تصيد أدلة كبخوم هذا أما السروج ففيها ضعف فالشيخ الألماني أبخى ومنطخي كهذه الزيادة ضعيفة قال وما يقتضيها النقد العلمي فيه وإلا فإن اتخاذ السرال على القبور وثنية لا يرضاها الإسلام كما سبق ذلك في أحكام الجنائز. Il démontre que c'est pas que qu'on dit que le hadith il est ضعيف, أن خلاص c'est que c'est permis là. فانتبه لهذا. مثلا شيخ الألباني رحمة الله عليه sait que cette partie du hadith السرج أي éclairer, illuminer le قبر, cette partie du hadith elle est ضعيفة. Ça veut pas dire que c'est permis. فانتبه بعض الناس لما يقرؤون حديث مثلا فيه ضعف يpense que on doit appliquer son contraire لا كم من احاديث ضعيفه والعمل عليها ومن احسن الامثله صنيع الامام الترمذي رحمه الله في جامعه سنن الترمذي كثيرا يسيت حديث peut-être que lui-même il le ضعف ثم يقول وعمل اهل العلم على هذا Et les savants, ils appliquent ce hadith. Malgré qu'il est da'if. Pas parce qu'il est da'if. Il y a un autre hadith qui le montre. Il y a un asl. C'est quoi l'asl? Le hadith est da'if. Mais on peut s'appuyer sur autre chose. Pas construire sur le messager. C'est quoi ce asl azim? La yajouz al-ghulu, l'exagération. C'est un asl azim, on a lu un bâf à la fin. Tabihou. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'exagérer. Iyakum wal-ghulu, قال le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Halak al-mutanatti'oun. Est-ce que éclairer la tombe, c'est min al-ghulu? La chakavi. Léanna aïn al-haja. Pourquoi éclairer une tombe et pas éclairer les autres? Et si Wahad dit on éclaire toutes les tombes, c'est un cimetière. Le cimetière, on n'a pas besoin d'éclairer les tombes là. Tout ça, c'est fait khasatan. Quand une tombe, elle est décorée, construite, éclairée, par rapport aux autres, ils vont penser que cette tombe, elle n'est pas comme les autres. Pourquoi le shaitan, il les pousse à visiter, à adorer Allah عند القبر ثم exagérer à adorer la tombe كما تقدم فانتبهوا لهذا هذا الدين il est fondé sur des اصول عظيمه فمن الاصول في التوحيد l'interdiction d'exagérer في المخلوق on n'a pas le droit on a des adillah am qui prouvent qu'on n'a pas le droit d'exagérer sur la tombe que ça soit là en la décorant en écrivant dessus ou en l'éclairant من هذا الباب للوفي أكثر من القدر المشروع مع أنه نادي أدلة dans certaines de ces مسائل لكن pour vous montrer أن toute Ces masaïl, en fait, elles rentrent dans l'interdiction d'exagérer. Tu trouveras certains points, il y a des hadiths ضعيفة, mais كلام أهل العلم تتخبرا كي مت أنقام فلهذا الشيخ الألباني يضعف هذه اللفظة cette partie du hadith et il interdit d'éclairer les tombes رحمة الله عليه لماذا لأنه إمام من أئمة السنة et ses fatwas elles étaient basées sur des أصول parmi ces أصول l'interdiction d'exagérer. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. On revient au شرح. On ne l'avait pas lu, les mazal et anna, il a expliqué les deux babs. Le bab précédent, ma ja'a min at-taghlid fi man 'abada Allah 'inda qabr rajulin salih, fa kayfa idha 'abada? Et le bab d'aujourd'hui, ma ja'a anna al-ghulu fi qubur as-salihin yusayyiruha awthanan. Qala rahimahullah. Bab ma ja'a min at-taghlid fi man 'abada Allah 'inda qabr rajulin salihin, fa kayfa idha 'abada? وباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم وذلك أن ما يفعل عندها نوعان مشروع وممنوع وهذا الباب لا أنفقت أن ما يفعل عند القبور أي الزيارة visiter les tombes. Enfin, tu as une visite qui est mashrou'a et une visite qui est mamnou'a. Enfin, si tu as compris ces deux aqsam, tu sauras que des choses c'est mashrou'a. Tu as le droit de le faire. Autre que ces choses mashrou'a, tu verras que c'est de l'égarement et de l'exagération. Enfin, à comprendre ces deux catégories, c'est muhim. Qala amma al-mashrou'a. Et il a commencé rahmatullah alayhi par citer les choses permises, légiférer quand tu visites les tombes. أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد الرحل من غير شد الرحل نعم هذا سموه أولا زيارة القبور. On va pas rentrer dans la masala aujourd'hui de An-Nisa, les femmes. Là, les femmes, il y a كلام كثير et fermer le bab خاصة في بعض البلدان et An-Nisa elles connaissent pas hadith al-masail et elles ont tendance à exagérer ou à rubbama à pleurer à crier ila akhirih li dha'fihin fa kathir min al-ulama yuharrimun ala an-nisa ziyarat al-qubur ala kulli hal nahnu on est vir rijal. Awlan, la visite elle est permise pour les hommes, lakin on n'a pas le droit de voyager pour visiter une tombe. Ay voyager et nihya al-qasd, c'est visiter la tombe de Fulan. Hada la yajouz. Le Nabi sallam, il a interdit shadd al-rihal illa ila thalath masajid. Le masjid al-haram, le masjid al-nabawi, le masjid al-aqsa. Amma pour une tombe, le Nabi sallam, il a jamais autorisé hada. Bel, c'est de l'exagération. Fala yajouz. Qala yazuruha al-muslim muttabi'an lis-sunna. Wa huna nunabbih hatta qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va au Hajj ou il va à l'Umrah, thumma il visite le Medina, fa niyatuhu quand il voyage, mathalan min Mecca ila le Medina, c'est pas ziyarat qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là. Niyatuhu c'est ziyarat al-Masjid wa salat fi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à hada. Thumma une fois que le musulman il est fi le Masjid, il a fait le salat, il a zour qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hada tayyib, là, bas. Sans exagérer. Amma al-ba'd, comme ta'lamoun, tous les jours, بل بعضهم après chaque salat, بل بعضهم ils finissent pas ربما الصلاة مع الإمام حتى التسليم ils le font pas ويقومون et ils se précipitent vers la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم. هذا من الجهل ومن الغلو. لكن هؤلاء كثير منهم لا يعلمون. نحن نتنية c'est la visite de la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم ثم une fois qu'on est sur place نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم mais sans exagérer. نعم الزيارة الشرعية كما سيأتي. قال يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا. نعم فا الدعاء المشروع quand il rentre في المقبرة et كذلك في الدعاء pour جميع المؤمنين لا بس أنه يسبسفي ses proches tout ça c'est جائز. قال فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة والتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ. محسن Et il sera bienfaisant envers les musulmans qui sont enterrés là. لماذا؟ لأن دعاء المؤمن المخلص تنفع الميت كما تقدم dans la kalima qu'on a fait يوم الأحد. Et كذلك للمحسن لنفسه أي أنه il a du أجر. لماذا؟ لأنه il fait cette visite en se basant sur la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. هذا c'est le مشروع أي الزيارة المشروعة. هذه الزيارة لا أحد يمنعها أبدا. لكن العلماء يمتحون قاعد contre الزيارة الشركية qui est fondée sur des خرافات sur des بدع. قال الشيخ سعدي رحمه الله وأما الممنوع فإنه نوعان أي la visite ممنوعة elle-même elle se divise en deux. واحدة qui est haram et ça peut pousser au shirk لكن c'est pas du shirk. Et la deuxième qu'il a cité رحمه الله c'est du shirk akbar. قال أحدهما محرم ووسيلة إلى الشرك التمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة أي exagéré. إما التمسح كما تقدم معنا penser qu'il y a de la baraka en pensant que c'est un sabab أما الأمر إلى بيد الله كذلك le fait de construire dessus ou mohim exagéré ou éclairer, c'est illuminer cette tombe mimbab al-ghulu, tout ça c'est haram et ça peut pousser au shirk et c'est le bab qu'on a vu ensemble. النوع الثاني شرك اكبر كالدعاء او كدعاء اهل القبور والاستغاثه بهم وطلب الحوائج الدنيويه والاخرويه منهم tous les abwab qu'on a vus auparavant. Aïe, at-du'a, wal-isti'ana, wal-isti'ata, tout ça, c'est des ibadat. Fala yajouz sarfouha, li ghayri Allahi subhanahu wa ta'ala. Fa celui, ayyadam billah, qui fait tawaf autour de la tombe, tawaf c'est une ibada. Celui qui demande à ce mort, ya fulan, donne-moi kada, ou épargne-moi de kada, ayyadam billah, ou l'istighatha, il demande izalat shidda, matalan son fils il est malade, il demande à ce mort à la guérison, tout ça c'est min ash-shirk al-akbar, ça fait sortir de l'islam, ayyadam billah. Et hada kadhalik il est propage à notre époque, ayyadam billah. قال فهذا شرك اكبر وهو عين ما يفعله عباد الاصنام مع اصنامهم. La règle qu'on a vue ensemble في القواعد الاربع, il y a aucune différence entre أصحاب الجاهلية qui adoraient leur statue à l'époque et à notre époque هؤلاء qui demandent aux morts, qui demandent à l'awliya, qui demandent aux salihin. Il n'y a aucune différence. لماذا الكل se sont réunis تحت ماذا تحت الشرك أي عبادة غير الله عز وجل. Il n'y a aucune différence de demander une statue ou de demander un mort. L'imam n'a aucune différence. Il y en a les deux, ils ont demandé à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Fima la yaqdir alayhi illa Allah azza wa jal, c'est du shirk akbar. Fahdharu min ash-shuba. Ils essayent de faire croire que l'ibadat al-salihin, c'est pas pareil. C'est la même chose. Bel, c'est plus grave. L'imam n'a ash-shuba li a'zam. Ou al-fitna li akbar. أي عبادة الصالحين. قال ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله. دوزيام شبهة أن البعض يفرقون أن السي إلى عقيدة أن هذا الولي celui qui fait tout seul. Enfin, c'est du shirk akbar. Maintenant, c'est lui qui donne la guérison seul, c'est lui qui emmène le bien seul. Et il est mustaqil. Et il est indépendant dans ces choses. C'est du shirk akbar. Amma si, et ce mushrik, il a la croyance, annahu sinwa seta, et c'est seulement un intermédiaire, fa'indahum, c'est pas du shirk. Wa hada, c'est batil. Li anna adorer autre qu'Allah, c'est du shirk. Qu'il a la aqida anna hada, المدعو مثلا celui qui l'invoque انه c'est lui qui lui donne او c'est seulement un intermédiaire, dans les deux cas c'est du shirk كما تقدم. قال ان المشركين يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله مع هذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لا montré أن هؤلاء المشركون كفرة مع أنهم إذا بسد عقيدة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. Donc ils les ont pris comme intermédiaires. Leur but c'était de se rapprocher d'Allah. Est-ce que ça leur a été utile? أبدا. كذلك le deuxième verset ويقولون هؤلاء الشفعاءنا. C'est des intermédiaires. Ils vont faire intercession pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala il les a cités en tant que mushrikin. Aïsiyak al-aya, ça montre que c'est des kafara. Qala Cheikh Saadi, فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر وأن من يعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وصائد بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم لم يكفر من زعم ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر. Celui qui adore autre qu'Allah, qui invoque autre qu'Allah, c'est un mushrik. Même si son intention c'était de prendre ce mort comme intermédiaire. L'intention ne change pas grand chose. Il a adoré autre qu'Allah avec le dua. Après, Sania, il pense que c'est lui qui donne le bien, qui repousse le mal, ou c'est seulement un intermédiaire. Est-ce qu'il a invoqué autre qu'Allah? Non. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le kitab, il a montré à Azza wa Jal que man yad'u min dunillah subhanahu wa ta'ala un makhluk ka'inan man kan fasayam mushrik. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه. هذا صمت أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك أبدا. إنه لا يفلح الكافرون. الله سبحانه وتعالى les a appelés كافرون. نحن لا pas le droit de فرق avec ce genre de شبه هزيلة. وهذا تقدم معنا في القواعد الأربع. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله لا ديتاي هذه المسألة في كشف الشبهات. قال فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل ولم ينجو من فتنته إلا من عرف الحق واتبع. صحيح شبهات عظيمة فتنة كبيرة par rapport au mausolée, au saint, au pieux qui sont enterrés. Ils ont mélangé et ils ont différencié des choses semblables. Ils se sont écartés de da'wat al-anbiya wa al-rusul et ils sont tombés dans le shubha et dans le shirk. C'est très très grave. Et c'est ce que je vous conseille de maîtriser ce sujet. Il y en a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Il y a les parents, il y a une tante, un oncle, il y a les grands-parents, il y a des voisins, il y a des amis, il y a dans son village, dans sa ville. كثير من الناس وقعوا في هذه الفتنة. فالسني السلفي حقا يدان دون امبورتانس هذه المسائل. إي سيكارد القيل والقال. إي لابخون مثل هذه الأبواب. إي لابخون الآيات كي سون سيتي في هذه الأبواب الأحاديث دو بروفيت صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. فأي دعوة سي نوتخ دعوة ليبا سونتخي بازي سور هذا التوحيد. Et on délaisse hada et on s'occupe des choses qui sont moins importantes. Et on ne doit pas négliger les choses importantes et les choses moins importantes. Lakin, on commence par l'aham. Fakam min al-ikhwa, ils ont du naqs fi hada. Et du taqsir. Et on a tous du taqsir. Et on continue à faire des efforts. Hatta on comprend ces masa'il. Wa nad'u ila Allah ala basira. Et on m'engarde contre shirk bi basira. Et on ne dépasse pas les limites. Lianna wa'aduhum ahyanan. Ils veulent mettre en garde contre Shirk et lui-même il dépasse les limites. وَرُبَّمَا يُكَفِّرْ مَنْ لَمْ يَسْتَحِقَ التَّكْفِيرُ وَرُبَّمَا il laisse passer des choses très très graves au nom de la hikma du rift et ça fait du mal à la da'wa et ça fait du mal à lui-même خاصة. Allez, هذا le bœuf suivant ونقرأ. Il est مهم et il est très simple. قال باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Et dans notre nusra, يوصل إلى الشرك. بعضهم يضبط الكلمة يوصل وبعضهم يوصل. هذا الباب il est مهم. Après avoir cité les abwab précédents sur l'exagération, sur les tombes des pieux, il a cité hadha al-bab pour démontrer à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Il a donné beaucoup d'importance à fermer les portes qui poussent au shirk, qui poussent à l'exagération. قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مناسبة الآية للباب أن هذه الأوصاف المذكورة فيها في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، لأن هذا هو المقصود الأعظم في رسالته. ونحن أنام النبي صلى الله عليه وسلم on fait des efforts pour le suivre فأنا dois le suivre في هذا الباب أولا tout faire pour mettre en garde contre le shirk et appeler tout faire pour mettre en garde aux choses qui annulent هذا التوحيد ou qui le diminuent من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. نعم صححه الإمام الألباني رحمه الله كما في الحاشية. Ça ressemble au hadith précédent. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهنا ولا تجعل قبري عيدا. Tout ça c'est pour former les portes au shirk. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة الحديث للباب أن فيه حسما لمادة الشرك وسدا للطرق الموصلة إليه، حيث أغاد أن القبور لا يصلى عندها، ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه، لأن ذلك مما يوصل إلى الشرك. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يفرم السبب العيد. العلماء يدفنس العيد quelque chose qui se répète. C'est ça l'Aïd. Pourquoi on appelle l'Aïd l'Adha, l'Aïd al-Fitr? C'est un jour qu'on, مثلاً, l'Aïd al-Adha, on sacrifie, il a akhiré, Allah nous a autorisé des choses, on fait salat, une salat spécifique. Ce jour, il revient d'un iman chaque an. C'est ça l'Aïd. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prendre son qabr comme Aïd. Aïd de khassas, cet endroit pour faire des du'as, ou des visites tel jour, c'est mieux. Exagérer, tout ça, ça ouvre les portes à exagérer. وَكَمْ مِنَ النَّاسِ ils ont ouvert هذا الباب et ils ont exagéré وَوَقَعُوا فِي الشِّرْكِ فَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. الإنسان يبتعد عن التكلف. مثلا نحن هنا ici on est très loin de la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم et on fait salat sur lui عليه الصلاة والسلام et on a cette aqida أن notre salat تبلغه عليه الصلاة والسلام. Et si on a une bonne nuit, on est récompensé. Falimad al-Ghulu. Pourquoi exagérer? Amma celui qui est sur place, wa yazuruhu alayhi salatu wa salam, une fois, fahad al-tayyib, amma exagérer. Et al-qalb yata'allaq bi al-makan. Et l'insan, il a de l'espoir, hunak. Fahad al-sebab, fath al-shirk. Lian Allah subhanahu wa ta'ala yisma' wa yara. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabb al-ibad, c'est lui qu'on doit adorer. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختار. نعم قال صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. Et ressemble au hadith précédent. Et كذلك tous les hadiths qu'on a vu dans les abwab sur الغلو في قبور الصالحين سمن هذا الباب. لا شك أن هذه هي الأحاديث ثابتة من سيا بعض الألفاظ ربما فيها ضعف، أما المعنى صحيح لا شك فيه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء عنده، فغير من القبور من باب أولى لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا وهو وسيلة إلى الشرك خاصة si c'est un endroit ou plutôt si c'est un temps spécifique. بعضهم مثلا tous les vendredis ils doivent faire ziyarat al-qubur et ce vendredi ils خصصون وقت pour faire الدعاء. Tout ça c'est un bab de shirk qui est ouvert. أولا c'est prendre هذا القبر عيدا لأنه ça se répète dans un moment précis وهذا on n'a pas le droit. Sauf si on a un délit, مثلا, al-Jumu'ah. C'est Eid al-Usbu'ah. Et on a des adillah. Tous les vendredis, on doit se laver, on doit faire la salat, fi le masjid, salat al-Jumu'ah, et l'akhir, kadalik, Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Tout ça, on a des adillah. Amma spécifie la visite d'un qabr tel jour, va hada la yajouz. Kadalik, qala, spécifie hada la qabr pour faire du'a. Même si c'est qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yajouz. Fama baluk, ghayr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min babi awla kama qala. Et penser que ce dua, il va le faire quand il arrivera vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est afdal. Wahada, c'est batil. Wahada, les gens, ils délaissent les moments que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité, annahu, c'est afdal. Qu'à waqt bayna al-adhan wa al-iqama. Entre l'adhan, quand il finit le muaddin et l'iqama. En général, il y a du temps. Le temps que l'imam il sort, il a créé. Hada al-waqt, ad-dua, tustaja fihi akthar. Kadhalik fi sujoud. كذلك الفندردي أبخ العصر أبو المغرب كذلك في آخر الليل كذلك أي أبو الفجر كذلك في السفر كذلك quand الإنسان il est opprimé il subit une injustice كذلك الصائم celui qui fait الصيام toute la journée quand il est صائم c'est un وقت أن الدعاء يستجاب فيه أكثر tous ces أوقات بعض الناس ربما يغفلون عنها ils se concentrent sur des choses inutile. لماذا لأن الشيطان يحارب الإنسان quand il voit واحد il est motivé à faire الدعاء il essaye de l'égarer من هذه الأبواب. قال الشيخ سعدي رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك من تأمل نصوص الكتاب والسنة نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه من الحث على الإنابة إلى الله وانحصاره في تعلق القلب بالله رغبة ورهبة تقدم معنا من هذه النصوص هذا الشيء الكثير أن المسلم يدوى تخافي هذا التوحيد يدوى فيغ ديزيفا حتى هذا القلب سكر يكون متعلقا بالله Il espère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa al-abd al-mu'min. Amma qalb ki accroché à autre qu'Allah. Fa'iyadam billah. L'insan il ouvre un bab halak ala nafsih. Qala wa quwwati at-tam' fi fadlihi wa ihsanihi wa as-sa'i li tahsil dhalik wa ila at-taharrur min riq al-makhluqin. أي الإنسان في tout pour ne plus être esclave d'un مخلوق أنه il a peur d'un مخلوق أنه il espère d'un مخلوق كم من الناس الآن عيادا بالله c'est des عباد للأضرحة والقبور حتى يكخر صاحب القبر il espère de la part du قبر tout ce qu'il fait sa vie elle est liée au قبر des dépenses des voyages des sacrifices tout ça pour le قبر Est-ce que هذا عبد لله أي من حيث أنه يعبد الله وحده أبدا عبد لله لكن عصى الله سبحانه وتعالى وأشرك قال وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه والغلو بأحد منهم والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده توسى تقدم Et c'est ça, asl, hadad din. Hadad din, il est fondé sur at-tawhid. Wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlissin lahu ad-din hunafa. Notre din, il est fondé sur hadal ikhlas, sur at-tawhid. Qal, thumma fi muqabalati dhalik naha an aqwalin wa af'alin fiha al-ghulub al-makhluqin. Taqaddam ma'ana. Et ça yati ma'ana, à la fin du livre, beaucoup de abwab fi hadha. Aïe. Sur des alphades qu'il ne faut pas dire. Mathalan, ma sha Allah wa fulan. Hada, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire ma sha Allah et un tel là. Tu dis summa fulan, لأن المشيه c'est لله عز وجل. Allah il fait ce qu'il veut. Amma fulan c'est un sabab min al-asbab. وهذا سيأتي معنا. قال ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم. من تشبه بقوم فهو منهم. فسملونجي ومشركون. Rester avec eux, فالإنسان ربما يضعف يغطر ببعض أقوال أو أفعال هؤلاء. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم nous a mis en garde, بل تبرأ contre celui qui vit avec هؤلاء المشركين. قال لأنه يدعو إلى الميل إليهم ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوصل بها إلى الشرك. كل ذلك حماية للتوحيد. تقدم معنا la construction sur les tombes, éclairer les tombes بغير حاجة, écrire sur les tombes, embellir les tombes, العكوف عندها, أي rester à côté de ces tombes بلا حاجة, et كثرة الزيارة, tout ça, ça ouvre des portes de char. قال ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خلق له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلها لتكمل لهم السعادة والفلاح وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة. الخلاصة أن الإنسان إن لم ينشغل بعبادة الرحمن عز وجل سينشغل بعبادة غيره. هؤلاء qui ont exagéré dans les tombes et qui voyagent et qui sacrifient, أنهم ils ont délaissé l'adoration d'Allah سبحانه وتعالى. فشغلهم الشيطان بعبادة المخلوق. فالإنسان لابد il adore, لابد. بعضهم ils adorent leurs passions, بعضهم ils adorent des êtres humains, بعضهم ils adorent des مخلوق من المخلوقات. أما المؤمن il adore Allah. هذه الأمور, toutes ces ibadat, que ce soit qalbiya ou autre, ou avec lisan ou le jawarih, on les fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alu Allah azza wa jal at-tawfiq wa sadat. Hadhihi al-abwab muhimma. Muhimma, et sur le fait de fermer les portes, de ne pas exagérer pour ne pas tomber fi shirk, Cheikh al-Islam il a cité jumla min hadhihi al-abwab. Naktafi bi hadha al-qadr et on passe au dars suivant. Wa billahi at-tawfiq.